بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Je pensais commencer un livre qui concerne la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en regardant, c'est quand même il est très intéressant le livre, mais il y a un niveau quand même. Et du coup, je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Où est-ce qu'on fait? Parce que là, le fiqh, pareil, le fiqh, j'ai vu que l'autre livre, il est bien. Ce qu'on faisait, la Umdat al-Hakam, ça pourra toujours servir à ceux qui l'ont. Et comme j'ai dit, de toute façon, tous les ouvrages et les titres, comme ça, à un moment donné, vous allez avoir, en fait, à peu près les types de savants, les noms, les titres de livres, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous connaîtrez plus ou moins les sujets et les thèmes en fonction de ce que vous avez besoin dans votre religion. Si c'est du fiqh, vous aurez des noms de livres. Umdat al-Hakam, La Hawla wa la Quwwata illa Billah, Bulugh al-Maram, c'est un très très bon livre aussi, mais bon, est beaucoup plus long. Et bref, on a après d'autres livres dans le domaine. Mais déjà, ça vous fait déjà des connaissances. On part de rien. Et pareil, les noms, j'essaye à chaque fois de répéter pour que ça rentre. Et comme au jour d'aujourd'hui, on a une société et un système, qu'on le veuille ou non, qu'on le voit ou non, qu'on le distingue ou pas, on est oppressé du matin au soir. Qu'est-ce qu'on a du matin au soir? Que ça soit dans les pubs, que ça soit très subtilement, on a cette propagande qui te construit d'un point de vue mental, psychologique, et du coup, tu sais même plus, en fait, où te donner de la tête. C'est-à-dire que même si tu veux apprendre ta religion, tu ne saurais même pas, t'es perdu. C'est pas normal. Pourtant, le nombre des livres et le nombre des auteurs, c'est... Même en français, on a quand même une grosse... pas mal de noms, de gens qui traduisent, ainsi de suite. Et que dire dans la langue arabe? Donc, c'est normal que à un moment donné, il faut que chacun, il essaie d'enregistrer un minimum, ainsi de suite, parce qu'encore une fois, cette science-là, il faut la pratiquer pour qu'on la comprenne et que Allah nous la transmet, enfin nous l'explicite. Il faut bien qu'on vive avec et qu'on la pratique. Donc voilà, en tous les cas, les noms des livres, ça va vous permettre d'avoir des idées, comme là, Kitab Sifatus Salat, le livre sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Sharh Umdat al-Hakam, de l'imam Muwaffiq ad-Din ibn Qudama. Pourquoi je dis les noms? C'est pas pour, comme certains, faire style et se donner un peu de poids, tu vois, de parler en arabe et ainsi de suite. Non, c'est pour que vous vous familiarisez avec certains termes, que ce soit pas trop technique et ambigu, et que je traduise derrière pour que vous ayez un sens. Comme ça, demain, vous allez le lire, vous allez l'entendre, ça va vous parler. C'est juste ça l'objectif. Donc, quand je vous cite des livres, et ainsi de suite, c'est que c'est des livres de référence. C'est pas des livres pour juste se cultiver un peu par-ci, par-là. C'est un sorte de roman ou un sorte de récit. Non, c'est des livres de science. Donc là, les livres que vous avez... demain, vous savez que c'est des livres qui sont étudiés, qui sont répandus dans les sciences religieuses de manière générale, dans le monde entier et depuis des siècles. Donc voilà, ce livre-là, Kitab Sifatus Salat, sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Et comme je dis, n'hésitez pas, le but du groupe, encore une fois, c'est de créer une certaine union, parce qu'on voit très bien que notre communauté est divisée. À part sur les réseaux sociaux, on est très expressif, et quand on est face à face, chacun est dans son téléphone. Donc le but, c'est voilà, c'est de créer un peu ça et de casser cette désunion qu'ils ont créée et qu'ils continuent à créer à tous les niveaux, de la société. Alors, donc Kitab Sifatus Salat, c'est un livre qui a été tiré d'un livre qui s'appelle Umdat al-Hakam, Al-Umdatu, ou Al-Umdati. Et ce livre-là, c'est vrai qu'il est un peu technique. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce que vous voulez apprendre la prière, donc tout ce qui est rattaché à la prière, d'accord? C'est-à-dire, là, on va rentrer vraiment dans le fiqh pur, et le livre Umdat al-Hakam, vous pouvez le garder pour vous. Ça vous servira de lecture ou de référence. Donc, écoutez-moi bien tous. Est-ce qu'on fait ce livre-là tout en sachant qu'il est technique et c'est un niveau? D'accord? C'est vraiment des règles derrière, il y a des règles de... c'est du niveau... il y a des règles, en fait. Il y a des règles de Ossoul. C'est vraiment un livre de on va dire technique, si vous voulez. Alors, donc, je disais, je vais vous poser la question rapidement pour qu'on puisse commencer et démarrer vite. Alors, le cours, le livre, là, c'était Kitab Sifat al-Salat. Donc, c'est le livre qui a été pris de... Salam alaykoum à tout le monde. C'est le livre qui a été pris par le cheikh Islam ibn Taymiyyah, qui est un savant connu, reconnu, réputé, avec toutes les tendances confondues. Et il a fait donc la traduction, le sharh, l'explication d'un livre qui s'appelle Al-Umdatu. Et c'est un livre qui est tiré, qui a été écrit par Ibn Qudama al-Maqdisi. Ibn Qudama al-Maqdisi, c'est un ancien aussi, pareil, il faisait partie de la génération des salafs. C'est-à-dire, les salafs, c'est ceux qui sont venus parmi les petits-enfants des compagnons. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, expliqué ce livre. Enfin, expliqué ce chapitre-là, plutôt. Donc, ce livre-là, comme je dis, on peut le faire, mais il est quand même technique. Mais rassurez-vous, même si, malgré qu'il soit technique, Inch'Allah, je pourrai vous essayer de vous donner un maximum d'informations. Ou bien, on reste sur la base qui est d'abord distinguer shar'an, c'est-à-dire dans tout ce qui a été tiré dans des livres de fiqh, de la prière avec toutes les règles, les conditions, les piliers, et ainsi de suite. On va dire tout ce qui concerne la prière, bien que sur ce livre-là, Kitab Sifat al-Salat, on l'aura, mais ça sera pas disposé de la même manière. Je sais pas si vous avez compris. L'autre, ça va être purement du fiqh, d'accord? Ça, le livre qu'on va voir, il y a du fiqh, mais pas que. Il y a des règles de usul, il y a des règles de fiqh, des règles de fiqhiyya, il y a des règles de nahu, et il y a des aqwal de plusieurs mashayikh, enfin d'autres savants, voilà. Donc j'ai commencé à le faire, à le lire, et ma foi, il est très très bien. Maintenant, encore une fois, vaut mieux qu'on y aille chacun avec notre niveau. Donc, Inch'Allah, si on le fait pas maintenant, on le fera sûrement un de ces quatre, Inch'Allah. Mais à vous de voir. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait un livre qui s'appelle Bidayat al-Mutafaqqih. Et ça, c'est bien parce que c'est vraiment un livre de débutant. Et c'est ce livre-là, en fait, sur lequel on va, même si on va commencer d'abord le chapitre de la prière, parce que pour moi, c'est très important. Je pense que la majorité des gens, de tout le monde, a besoin de comprendre les différents piliers, les conditions, qu'est-ce qui vient à manquer, les obligations, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est à délaisser, voilà. Donc, et surtout que là, il y aura tous les madahib, c'est-à-dire toutes les écoles, la Hanabila, la Hanifiya, la Malikiya, et Shafi'iya. Donc, une fois qu'on a tout ça, on pourra attaquer d'autres livres un peu plus, ou par exemple dans celui-là, Kitab Sifat al-Salat, mais sinon on continuera dans ce livre de fiqh. Par contre, il est en arabe. Bidayat al-Mutafaqqih, ça veut dire c'est le commencement de l'étudiant, si vous voulez. Le commencement du faqih. Le faqih, c'est le juriste. D'accord? Donc le commencement, c'est-à-dire que c'est vraiment un niveau pour débutants. Le cheikh, il a fait à la base ce livre-là, l'autre, pas celui-là que je suis en train de parler, ce livre-là, il l'a fait à la base pour sa famille, ses enfants, et ainsi de suite. Et après, quand il a vu que, alhamdoulilah, c'était assez accessible, assez simple, il y a des élèves à lui, parce que c'est un cheikh, il est connu, hein, si vous voulez son nom, je pourrais vous le marquer. Il a même des livres, des audios, hein, sur Internet, c'est un savant, c'est un savant dans tous les domaines d'une manière générale, c'est un des élèves de Cheikh Al-Uthaymin Ibn Baz, de mashallah, de pas mal de grandes pointures de l'époque, et il faisait aussi de la ruqya, Et il a même écrit un livre sur le domaine. Donc il est encore vivant, rahimahullah, il est en Égypte. Il s'appelle Cheikh Abd Salam Wahid Bali. Cheikh Wahid Abd Salam Bali. Et donc en gros voilà, ce livre, je pense qu'on va le faire. Et vous avez ces audios. Vous pourrez avoir ces audios, comment on appelle ça, de, par exemple du livre de fiqh qu'on va faire. Donc quand on va faire Kitab al-Salat, le livre sur la prière, après on va repartir du début et on va prendre depuis le début comme il a été classifié par les gens de science. Et tous les livres de fiqh depuis al-Mutaqaddimin, al-Mutaakhirin, c'est-à-dire les anciens et les derniers, ils ont tous une même méthodologie. Ils commencent tous par Kitab al-Tahara, le chapitre de la purification. Pourquoi? Parce que huwa matral, c'est le matral ou shay, c'est la chose par laquelle on rentre. Dans quoi? Dans l'ibadatullah. Quand on va adorer Allah, la première des choses, c'est quoi? La purification. La purification, de toutes les manières, d'un point de vue d'abord shirk, et après, en fonction de l'adoration qui est demandée. Donc, je vous pose la question. Vous voyez qu'est-ce qui vous arrange? On fait ce livre-là, ou on fait l'autre, du fiqh pur. Et après, on verra dans ce livre-là, machallah, il y a des choses qui sont importantes et intéressantes. Par exemple, maintenant, il y a des choses qu'on va savoir qu'on peut faire, mais qu'on ne le fera pas devant trop de gens ignorants. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, malheureusement, tu peux faire des fractures. Par contre, si tu es avec des gens qui sont dans l'apprentissage, ainsi de suite, c'est bien de montrer les différentes sunnans. Sunnans, c'est les différentes choses que le prophète s'en faisait. Et comme la prière de la prière de Dhuhr et l'Asr, vous savez qu'on peut la réciter à voix haute. Non, vous savez pas. Pourtant, il y a des délits. Il y a des délits qui sont clairs. Hein. D'ailleurs, c'est un livre de vraiment fiqh pur, pur. Celui-là, là, qui traite Sifat al-Salat. Dans le madhhab de l'imam Ibn Hanbal. Donc, vite, réfléchissez. Cheikh Wahid Abd Salam Bali. Voilà, c'est lui. Je vais commencer par celui-ci. Je pense que c'est mieux. Ben les autres participants, vous pouvez qu'on fasse. Après l'autre livre de toute façon avec le groupe des étudiants avec lequel on est là le mercredi, à un moment donné, de toute façon, il n'y aura pas le choix, on sera forcément amené à attaquer des livres comme ça. En fait, c'est un livre de jurisprudence et vu que j'ai choisi un sujet qui est la prière, parce que je me suis rendu compte que la prière, je pense que tout le monde a de grosses lacunes, et je dirais même que tout le monde et la majorité, attention, je ne juge pas et je ne suis pas en train de me mettre de m'élever vis-à-vis de vous. Non, a'oudou billah. C'est que la majorité ne connaissent pas les conditions, les piliers, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est surrogatoire, et ainsi de suite. Pourquoi on fait comme ça? Quel est le dalil? Comme vous avez vu, quand on fait une ibada, on le fait sur quelle base? Sur base de dalil. Et on a vu pourquoi. Parce que la différence entre celui qui pratique avec une preuve et celui qui pratique sans preuve, ça n'a pas le même effet. T'as pas la même détermination. Quand tu lèves les mains pour dire Allahu Akbar, au moment où tu vas le dire, t'es en train d'imaginer et de penser à plein de choses, de tout ce que tu connais d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Donc celui qui le dit sans science et celui qui le dit avec science, est-ce qu'ils sont pareils? Non, ils sont pas pareils. Donc la science, c'est ça le but. Donc ce livre-là, vu que on va commencer à faire du fiqh pur, et on va commencer par le premier chapitre, histoire que on ait tous des bonnes bases, et c'est un livre de débutant, il est bien, il est accessible. Ou sinon, on fait ce livre-là de Kitab al-Salat qui est beaucoup plus technique. D'accord? On est toujours dans la même démarche, mais ce livre-là de Kitab Sifat Salat, de l'imam Ibn Taymiyyah, il est très très très bien, mais je pense qu'il faut quand même des bagages. Donc après, on pourra le faire un peu plus tard, pour approfondir le sujet. Et donc voilà, c'est dans ce sujet, dans ce livre-là, tu vas voir qu'en fait, il a récité, pendant la prière de Dhuhr et l'Asr, des parties à voix haute. Par exemple, il va faire le takbir et surat al-Fatiha à voix basse. Après, quand tu vas commencer la sourate à voix basse, la sourate que tu récites après le Fatiha, et après il va commencer à réciter Inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatin na'im, par exemple. Tu vois? C'est-à-dire que dans, là, tu peux le faire. en fait, vous allez voir, on verra dans les sunan, et le but de la sunna et des sunan, c'est ça. Ça veut dire que chaque fois qu'on entend un hadith, ainsi de suite, chacun doit faire son maximum dans sa vie de le pratiquer au moins une fois. Bon, tout le monde n'a pas répondu. Katia, Aïssatou, Khalil. Bon. On va prendre l'unanimité. D'accord, on va prendre l'unanimité alors. Et oui, les deux sont utiles, c'est pas faux. Après, c'est sûr que l'autre, moi je pense que ouais, dans un premier temps, il sera peut-être un peu plus accessible, parce que le premier objectif, c'est quoi? C'est déjà de corriger sa pratique au niveau de la prière. Et pourquoi la prière? Parce que c'est un des plus grands piliers après la shahada. Oui, c'est sur la prière, oui. J'ai pas expliqué. C'était sur la prière, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Ah, tu préfères... Non, celui-là, il va être... Je pense qu'il va être un peu trop technique. Après, de toute façon, Yasmine, toi, t'es dans le groupe aussi. À un moment donné, on a un livre... qu'on va faire dans ce sujet-là. Bon, on commence, inshallah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors là, j'ai marqué normalement. Et non, j'ai pas marqué. Subhanallah, j'avais marqué Agile. Donc, oui, on était donc sur le chapitre de At-Tayammum. Donc, juste une chose, ce livre-là, qu'on est en train de faire, Kitab al-Adhkar, la différence entre ces livres-là, c'est que c'est pas un livre de fiqh, d'accord? Même si on va avoir plein de hadiths et ainsi de suite. C'est un livre d'invocation et d'évocation. C'est-à-dire que il va pas nous dire oui, ça c'est bien de faire comme ci, c'est bien de faire comme ça, ainsi de suite. Non, il va dire voilà l'invocation qu'il faisait le prophète Sam à tel moment, voilà la source, et ainsi de suite. Et dans tel accès et telle action, il faisait ça et ça. Ils sont pas là pour dans ce livre-là, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est autorisé, c'est pas autorisé, il y a des preuves, il n'y a pas de preuves. Là, le sujet, c'est les invocations qui sont rattachées à nos invocations qui sont rattachées à notre pratique quotidienne et régulière. Donc on avait vu dernièrement Babou ma yaqulu ala irtisalihi, le sujet, le chapitre sur qu'est-ce qu'on doit dire au moment de l'irtisal. Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'on avait dit ou pas? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on avait dit ou pas? Hein? Ouais. Ouais. On doit dire bismillah. À la base. On doit dire bismillah. Pourquoi? Moi, je vous conseille après, à un moment donné, de revoir vos notes et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un hadith d'une manière générale qu'on avait lu au départ, dans les premiers cours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un hadith de Aïcha radiallahu anha. Ah oui, quand on finit. Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith a été rapporté donc par Aïcha radiallahu anha, qui a dit à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par une chose, il ne commençait pas avant de dire bismillah. Donc juste par ce dalil, vu qu'il n'est pas conditionné, il n'est pas utilisé dans un cas précis, elle a dit d'une manière générale, ça veut dire que d'une manière générale, tu dis bismillah au minimum. Quand tu veux manger, tu dis bismillah au minimum. Bien que il y a une invocation qui est beaucoup plus longue. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma ta'im, non, alhamdulillah, Allahumma ta'im, Allahumma barik lana fih, wa ta'imna khayru minhu. D'accord? Donc on a cette invocation. Pareil, quand on va faire les ablutions, on dit bismillah. Mais on a vu dans ce chapitre, ou dans le chapitre à un moment donné des ablutions, il disait de dire bismillahir rahmanir rahim, c'est mieux. Mais tu peux dire bismillah. Dans tous les cas, d'une manière générale, tu dis bismillah. Quand tu vas te lever, bismillah. Tu vas faire quoi que ce soit, bismillah. D'accord? Donc la base, effectivement, c'est qu'on dit bismillah. parce que c'est écrit. Et on va lire d'abord les avis des savants. Donc, Mustahabbu, dans ce livre-là, donc ça va être un livre, ça va être la parole directement de l'imam al-Nawawi. Babu ma yaqulu ala tayammumihi. Chapitre sur que doit-on dire au moment des ablutions sèches. Yustahabbu an yaqula fi ibtida'ihi. Il est recommandé de dire au début bismillah. Fa in kana junuban aw ha'idan فعلى ما ذكرنا في اغتساله. Il a dit, si il est en état de grande impureté, c'est-à-dire il est en état de janaba, il a eu le liquide qui est sorti, ou que la femme est en période de menstrue, ou ça vient après sa période de purification. فعلى ما ذكرنا في اغتساله. On doit revenir sur ce qui a été mentionné avant. Parce que le chapitre d'avant, c'est ça. Le chapitre sur qu'est-ce qu'on doit dire au moment de l'irtisal. Et l'irtisal, on avait vu. C'était quoi? Yustahab lil mustarsil ay yaqula jami'a ma dakarnahu fi al-udu'i min al-tasmiya wa ghayriha. Il a dit, pour l'irtisal, il est recommandé de faire tout ce qui a été cité dans le chapitre d'avant. Le chapitre d'avant, c'était justement sur le dos. Sur le fait, est-ce qu'on dit bismillah? Et on a bismillah. Comment il est mentionné dans le livre? Comment il est mentionné dans le livre? Bismillah. Le sujet. Ouais? Non mais, c'est-à-dire comment il l'explique? Parce que comme par exemple, on dit al-basmala, d'accord? Ça veut dire quoi le basmala? Ça veut dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Donc, c'est quoi son nom? La parole, t'as dit bismillah ar-rahman ar-rahim. Ok. Mais c'est quoi son nom? Tasmiya. On appelle ça tasmiya, je vous l'avais expliqué. Tasmiya, ça vient de ism. D'accord? Et là, on voit bien tasmiyatu. On voit bien qu'il y a le mot ism dedans. D'accord? Donc, le fait de nommer, ça veut dire. Alors. Donc, tasmiya. La tasmiya, c'est ce qu'on avait vu donc dans le chapitre juste avant, mais vu qu'on va pas revenir, mais il y a des gens qui n'ont pas été là, donc je vais expliquer. En fait, on avait vu que pendant les ablutions, pareil, il nous disait, c'est recommandé ou il est reconnu qu'on doit dire bismillah au minimum ou bismillah ar-rahman ar-rahim. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé at-tasmiya. Et il y a eu une divergence. Est-ce que at-tasmiya, je sais pas si vous vous rappelez, le fait de nommer le nom d'Allah, est-ce qu'elle était rapportée et authentique? On a vu certains, ils ont dit que c'est pas authentique, ils ont pas de source. D'ailleurs, même l'imam Ahmed, il disait que nous n'avons aucune source ou un hadith thabitan par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire un hadith authentique, ferme d'un point de vue chaîne de transmission, qui rapporte ceci. D'accord? Attention, des fois on a des avis des savants, qui se contredit. Pourquoi? C'est pas qu'il se contredit. C'est qu'en fait, au début, il a écrit des sujets, et plus il avance, et plus il arrive vers la fin de sa vie, entre guillemets, il a eu forcément accès à d'autres livres, à d'autres sujets, à d'autres avis, à d'autres preuves, et du coup, il va changer d'avis. D'accord? Donc ça peut arriver, et ça arrive avec toutes les écoles. Hein. On a un chapitre qui s'appelle Al-Marjah, ou du moins les sujets qui ont été pas abrogés, mais où ils ont revu leur position. Donc, je pense que je me suis bien expliqué. En gros, à chaque fois, ils nous ont dit de refaire comme les cités dans le chapitre précédemment. Et ce qui est précédemment cité, principalement, c'est de dire Bismillah. Le mieux, ou du moins le mieux, ça ne veut pas dire que... Si, c'est mieux, forcément. Tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'accord? Mais c'est pas obligé. Et tu le dis au moment où tu fais tes ablutions, c'est-à-dire au moment où tu commences tes ablutions. Ensuite, on avait vu que dans Al-Rusul, donc là, je vais accélérer, parce que le but, c'est pas de truc, mais même si ce livre, il est très intéressant, je pense qu'on le fera on fera sûrement, ou si on a un autre qui ressemble plus ou moins d'un autre auteur, on essaiera d'en faire un autre. Inch'Allah Ta'ala. Donc, le minimum, c'est de savoir que, avant de commencer, on dit Bismillah. D'accord? Ensuite, eh ben, on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, et, dans certains cas, il y a eu des paroles que, après chaque partie, il faisait une invocation. Je sais pas si vous vous rappelez aussi. Et, par contre, il n'y avait aucun avis. Donc, on peut le faire comme on peut ne pas le faire. D'ailleurs, à la base, c'est, la base, shar'an, c'est de ne pas le faire. Quand celui qui veut le faire, il le fait. D'accord? À la base, quand on dit shar'an, c'est pas, à faire. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'un hukm, ou du moins, quelles sont les bases d'un hukm shar'i? Un hukm shar'i, c'est un statut juridique. C'est-à-dire qu'il y a une preuve où Allah nous dit de faire ça, ou il nous interdit de faire ça. D'accord? C'est ça un hukm shar'i. Et dans ce hukm shar'i, il y a deux bases. Enfin, il y en a quatre, mais je vais pas vous embrouiller avec ça, parce qu'après ça va être un truc. La première des bases, c'est-à-dire des fondements, c'est Al-Qur'an. Deuxième fondement, c'est Al-Sunnah. Troisième fondement, c'est Al-Ijma'. Quatrième fondement, c'est Al-Qiyas, l'analogie. Al-Ijma', le consensus. Donc tout ça, en fait, c'est des règles, ou c'est des articles, ou c'est des sources de législation. À partir de ces sources-là, il y a une législation qui peut être faite. Donc, là, vu qu'on a vu des paroles de compagnons, est-ce que ça rentre dedans? Ça aurait pu rentrer dedans s'il y aurait un consensus. Parce que le consensus, c'est quoi? C'est un consensus de la vie des savants. Et généralement, on commence depuis Abu Bakr radhiyallahu anhu jusqu'à ceux qui les ont suivis dans la bonne foi. Bref. Donc, en fait, ce hadith, enfin, du moins, cette action, on n'est pas obligé de la faire. Encore une fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'Allah nous a demandé et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire. Donc, voilà les invocations à faire au début. Et quand on va faire Al-Rusul, il a dit, on doit faire la même chose, de dire Bismillah et de commencer à faire ses ablutions conformément à ce qu'on connaît du Rusul. D'accord? Après, on a vu le Tayammum là. Il nous a dit, on fait la même chose que le Rusul. Donc, en gros, on dit quoi? Bismillah. Donc, je vous disais, donc le but, en fait, là, c'est de, comment ça s'appelle? Donc, pour le Tayammum, c'est de faire ses ablutions, de dire Bismillah, plutôt, d'accord? Et, en fonction de celui qui est en état de grandes impuretés, ou après les menstrues, bah, faut faire la même chose. De ce qui est inscrit dans Al-Rusul. Wa la farqa fi dhalik bayyana al-junub wal-ha'id wa ghayrihima. Wa qala ba'du ashabina in kana junuban aw ha'idan lam ya'ti bit-tasmiya wal mashhur annaha mustahabbatun lahumā ka ghayrihima lakinnahumā la yajūz lahumā an yaqṣida biha al-Qur'an. Donc en fait, on sait que par exemple celui qui va faire Tayammum. Forcément, pourquoi il fait Tayammum? Parce qu'il a pas d'eau. Encore une fois, même si je vais faire un peu de fiqh, c'est pas le fiqh. Vous voyez? C'est pas du fiqh. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, on n'est pas en train de faire du fiqh. Là, c'est des invocations qui sont rattachées. Donc là, on n'est pas en train de voir, est-ce qu'on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Non. C'est, est-ce que cette invocation est, relatée à une source et son authenticité? Et voilà, c'est tout. Donc, je vais pas rentrer dans la kayfiyat. At-tayammum, comment faire les at-tayammum, parce que c'est pas le sujet. Et on le verra justement dans le fiqh. Quand on va attaquer, inshallah, à partir de jeudi, là, je vais le préparer, kitab salat, sur le chapitre de la prière, après on reprendra depuis le début, et on verra en fonction de comment on avance, peut-être qu'on arrivera au même moment de Ramadan et on attaquera kitab siyam. Donc, Muhammad tashahhudi ba'dihi, وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجوه والكيفية فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهما والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء فإن التيمم طهارة كالوضوء. Donc il a dit ensuite وأما التشاهد بعده وباقي الذكر المقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكيفان فلم أرى فيه. Donc il a dit après, vous vous rappelez quand on a fait les ablutions, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit dire quand on fait les ablutions? Qu'est-ce qu'on doit dire quand on finit les ablutions? Vous pouvez essayer de répondre, ça serait bien. Ça va mettre un peu d'action, d'interaction entre vous et nous. Donc les autres, vous pouvez répondre, hein. Tout le monde. Tout le monde, parce que quelque part, ça vous fait participer. Ne restez pas passif. Parce qu'en agissant, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de déclencher un processus dans votre esprit, dans votre corps, et ainsi de suite. Donc, faut pas rester dans le retrait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a trois catégories de gens qui n'apprendront jamais. Entre autres. Et il a parlé de ceux-là. De ceux qui ne participent pas, en fait, que t'as honte et tu te mets en retrait, et ainsi de suite. Faut pas. C'est comme ça qu'on apprend. En faisant des erreurs. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Donc, qui n'en fait pas d'erreurs? La perfection n'existe pas. C'est Allah qui est parfait. Et ceux qui l'ont envoyé. Tous les autres font des erreurs. Si l'autre, il fait pas une erreur sur ça, mais il en fera sur une autre. Et sur l'autre erreur qu'il va faire, moi j'en ferai pas, et ainsi de suite. Donc, si je pouvais participer, c'est pas pour rien. Alors, effectivement, c'est la shahada, mais, justement, il a dit là, par rapport au tashahud, au tayammum plutôt, les ablutions sèches, tayammum, on appelle ça les ablutions sèches, mais en fait, c'est les ablutions qui sont faites sauf l'eau. Ils disent donc, par rapport au tayammum, il n'a pas été rapporté de hadith qu'on doit faire la shahada et ainsi de suite après. Oui, c'est ce qu'il a dit. Amma at-tashahudi. Amma at-tashahudi. Tashahud ba'dahu wa baqi al-dhikri. Pour la shahada et après toutes les actions, toutes les invocations, al-mutaqaddima, ce qui ont été rapportées dans le chapitre de l'Odo, wa-d-du'a et les invocations, ala wajha al-wal-kayfiyan, falam ya'ti, donc par rapport à tout ce qui est connu, il n'y a pas un sujet ou un hadith qui a été rapporté. Sur ça. Par rapport à ces, comme ils disent, ashabina, c'est ceux qui nous suivent ou ceux qu'on suit, ou ceux, nos collègues dans la science du hadith. وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْأُضُوءِ. Et son statut, il est le même statut que ce qu'il a été cité dans l'Udu. فَإِنَّ التَّيَمُّمُ طَهَارَةً كَالْأُضُوءِ. Par contre, de toute façon, encore une fois, c'est possible que, c'est pas parce que c'est des savants qu'ils ont raison encore une fois à tout. Voilà, par exemple, là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que tout ce qu'il faisait commençait par bismillah. Ça veut dire que, en faisant ça aussi, il doit sûrement la dire, la bismillah. Et de toute façon, ça, on le verra dans le kitab al-fiqh. Inch'Allah. Babu ma yaqulu idha tawajjaha ila al-masjid. Ouais, on va continuer un autre sujet. Et après, on passera au livre de croyance, Inch'Allah. Chapitre Bab ma yaqulu idha tawajjaha ila al-masjid. Le chapitre sur. Donc vous voyez bien que pour le tayammum, en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est al-basmala. Et je pense que je vais commencer à donner des petites questions histoire que ça vous motive un peu. Ça vous fera des petites recherches, une petite question sur le groupe. Et en fonction du sujet, le dernier sujet qui sera traité. Babu ma yaqulu idha tawajjaha ila al-masjid. Chapitre sur celui qui se dirige vers la mosquée. D'accord? Chapitre 2, celui qui se dirige à la mosquée. Wa qad qaddamna ma yaqulu idha kharaja min baytihi ila ayyi mawdi' kharaja. Wa idha kharaja ila al-masjid fayustahab ay yadhamma ila dhalik. Il a dit, et il a été cité beaucoup plus tôt dans les premiers chapitres, ما يقول إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج. Il a été cité l'invocation qu'on devait faire au moment de sortir de la maison. Ça, c'est les premières invocations qu'on a faites. D'accord? Et les premières invocations qu'on a faites, il n'y avait pas de condition, enfin, c'était pas conditionné la raison pour laquelle tu sortais, pour laquelle tu devais faire cette invocation. Donc, c'est ce qu'il a dit le cheikh. وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقُولُ. Et nous avons donc repris ce qui a été cité. Lorsqu'il sort, lorsque la personne sort de chez elle, il est aïement ouvert pour n'importe quelle raison, kharaja, pour qu'il soit sorti. Pour n'importe quelle raison, sa sortie, il doit faire l'invocation qu'on a connue, qui est... Qui c'est qui connaît l'invocation? Parce que le but c'est ça, hein, encore une fois, surtout ce livre. Ce livre-là, j'ai pas choisi par hasard. Hein. Le but c'était de vous... que ça soit après une chose qu'on applique et qu'on pratique. Donc, est-ce que quelqu'un connaît l'invocation en sortant? L'invocation en sortant. Est-ce que quelqu'un connaît l'invocation en sortant? L'invocation en sortant, mille fois de l'écom. Oui ou non, hein, même si vous ne les mettez pas, c'est pas grave, dites-moi oui ou non, répétez, enfin répondez plutôt. Est-ce que vous connaissez l'invocation en sortant de chez vous? Non. L'invocation en sortant de la maison. C'est simple, comme vous ne savez pas, il faut juste revenir sur vos notes, si vous avez pris les notes à un moment donné de ça, ou sinon, il faut revenir sur la citadelle du musulman. Voilà. Une des choses à faire, et ça fait partie de la science, de dire Allahu A'lam, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. En tous les cas, la vocation, c'est ça. Bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إن شاء الله. Non, j'ai déjà une idée sur le prochain livre après celui-là. On va faire le livre de l'explication des invocations. Oui, mashallah. C'est ça. Barclofik Sukaina. Donc, on continue. Ma rawaynahu fi sahih muslim. Il nous a été rapporté dans le sahih muslim. Fi hadith Ibn Abbas radiallahu anhu. Ma fi mabitihi fi baytin khalatahu maymuna. Afik barakallah. ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فأذن المؤذن يعني الصبح. Non, on parle de la prière. Donc, ils ont dit فأذن المؤذن الصبح. Alors, il y avait à un moment donné un sujet qui n'était pas très bien compris. صبح فجر, c'est quoi, ainsi de suite. C'est que les termes, malheureusement, c'est pas les bons au jour d'aujourd'hui. Et donc, là, on voit encore une fois dans les termes. En lisant, on va voir les... Donc, il a été rapporté dans un hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, et ce hadith est sahih, authentique. Ma fi mabitihi fi bayti khalatahu. Il était donc chez sa tante, Maymouna, dhakara al-hadith fi tahajjudin nabi. Il a cité le hadith sur les veillées. Parce qu'avant tahajjud, on appelait ça tahajjud, mais c'était les qiyam al-layl. D'accord. Tahajjudi. Donc, sur tahajjud, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, sur les prières de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala. فأذن المؤذن lorsque le مؤذن celui qui fait l'appel à la prière on appelle المؤذن d'accord قال فأذن a appelé celui qui appelle à la prière يعني الصبح c'est-à-dire de quoi il parlait de quelle prière الصبح d'accord ils ont pas dit le fajr d'accord donc on n'appelle pas des prières obligatoires par le sunan par exemple le fajr c'est ce que la majorité des gens ils ont en tête d'accord que c'est l'obligatoire alors que c'est pas en soi celle-là le problème il est pas là parce que c'est juste un problème de ton de terme quand on fait la prière obligatoire on fait les qama donc automatiquement je mets l'intention de faire la prière obligatoire peu importe si je l'appelle fajr ou subh d'accord maintenant pour ceux qui sont ambigus Khair, Inch'Allah. Sinon, pour ceux qui veulent approfondir, on verra ça pour un autre moment dans les sujets qui seront concernés. Mais sinon, grossièrement, la prière obligatoire, comme il est mentionné ici, quand il a dit qu'ils ont fait l'appel à la prière, ils ont dit, يعني الصبح, l'appel du صبح. فخرج إلى الصلاة وهو يقول. Il est donc sorti pour la prière, et il a dit. Donc là, on voit bien déjà une chose. Il parle de tahajjud. Tahajjud, c'est-à-dire c'est un effort que tu fais, c'est la prière que tu fais en plus le soir, ainsi de suite. Ok. Mais là, il est sorti d'où de chez lui. Donc à la base, on le verra ça. Mais je pense qu'on l'avait vu avec vous un peu dans le fiqh, dans les chapitres du jeûne, que tarawih à la base, ça se fait pas à la mosquée. On l'avait vu ensemble, c'est ça. Ok. Bref. Donc, une invocation qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sortant après l'adhan il sortait. Il disait Allahumma ja'al fi qalbi noura wa fi lisani noura wa ja'al fi sam'i noura wa ja'al fi basari noura. Bon, je vais le traduire au fur et à mesure comme ça on avance. Ou Allah, je te demande de mettre de la lumière dans mon cœur. Oh Allah, mets de la lumière dans mon cœur. Et dans ma langue, walisani noura. Et dans ma langue, une lumière. Waj'al fi sam'i noura. Subhanallah, quand on voit tout ça, on se rend compte qu'en fait, c'est des choses par lesquelles on est touché par les shayatines. Dans ton cœur, la première des choses, c'est le fief. Ton cœur, c'est le. C'est pour ça qu'Allah, Subhanallah, Allah a créé la création et comment tu vois que le cœur est protégé, c'est impressionnant, Subhanallah al-Azim. Et pareil, wa fi lisani noura, dans ma langue, lumière. Pourquoi? Parce que c'est pareil, il peut y en avoir au niveau de la bouche, dans la langue, sur les lèvres, ainsi de suite, ce qui fait que la personne va peut-être avoir des problèmes bucco-dentaires, mais vraiment très très prononcés, que ça soit après à travers aussi une haleine un peu... peu forte ainsi de suite. Ça peut être aussi comment ça s'appelle des sortes de comment on appelle ça des comme des gros aftes et ainsi de suite. Vraiment la personne elle a vraiment c'est mesquine, c'est même pas de sa faute quoi. Et on peut en avoir sur la langue, en dessous de la langue, sur les gencives et ainsi de suite, tu vois. Allahu Akbar. Non. Barakallahu fik pour le partage. Jazakallahu khair. Je pense que ça pourrait être profitable pour vous. Inch'Allah. Donc je disais, c'est intéressant de qu'on appelle ça, de savoir que finalement, on a des hadiths qui indirectement pas indirectement, c'est-à-dire inconsciemment, sans qu'on le sache, en fait, ils font déjà le travail de nettoyer. C'est pour ça qu'en fait, la meilleure des ruqyas ou la meilleure du traitement, c'est quoi? L'adoration d'Allah. Et l'adoration avec connaissance, et ainsi de suite, et de viser à chaque fois quand tu fais des adorations, et que, automatiquement, si on voit que ça nous cause cet effet-là, c'est-à-dire que si Allah nous met de la lumière, donc, on fera attention à comment on va parler, on va dire des bonnes paroles, et ainsi de suite. Donc, quelque part, les gens cassent leurs objectifs, leurs travaux et leurs percées, et avec le temps, Allah, il va se débarrasser d'eux. Il va nous débarrasser d'eux. وَجْعَلْ فِي سَمْعِ نُورًا. Pareil pour l'ouïe. Ouais, pareil pour lui. وَجْعَلْ فِي بَصَرِ نُورًا. بَصَرِ... Ouais, sur ma vue. Et fais en sorte que ma vue aussi, elle soit illuminée. وَجْعَلْ فِي خَلْفِ نُورًا. Et fais en sorte que la lumière soit derrière moi. وَمِنْ أَمَامِ نُورًا. Et devant moi. وَمِنْ جَعَلْ وَجَعَلْ مِنْ فَوْقِ نُورًا. Et fais en sorte que la lumière me touche d'en haut. وَفِي وَمِنْ تَحْتِ نُورًا. Et d'en bas, pareil, la lumière. D'accord. اللهم أعطني نورا. Après il finit par oh Allah donne-moi une... Voilà, donc voilà l'invocation. On va en faire une dernière et après on s'arrêtera là pour le kitab, le livre de Kitab al-Adhkar. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ إِبْنُ سُنِّي. Donc ce hadith, il est authentique, il est rapporté par Muslim. C'est tout. Subhanallah. Il est rapporté que par l'imam Muslim. Alors, le dernier hadith, وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ إِبْنُ سُنِّي عَنْ بِلَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Bilal, qui c'est طيب. En tous les cas, ce hadith qu'on va citer, il n'est pas authentique. Il a écrit Daif, il a été sa chaîne de transmission est faible, car il y a un personnage qui est faible dans son dans sa mémorisation, donc il n'est pas pris en considération. Donc en tous les cas, ce hadith il n'est pas authentique, mais on va le citer quand même. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ إِبْنُ سُنِّي عَنْ بِلَالِ. Donc il a été rapporté de l'imam Ibn Sunni, un hadith de Bilal qui dit قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ. Ah oui, excusez-moi, pour l'invocation qu'on vient juste de citer, ça veut dire que en fait on dit Bismillah, تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Mais en fait, si vous voyez, on a énormément d'invocations à faire. Parce qu'il y a plein d'autres enchaînements, à part celui qui habite au rez-de-chaussée, et ainsi de suite, et qui est juste en face de la mosquée ou quoi. Mais sinon, celui qui prend l'ascenseur, t'as une invocation à faire. Celui qui après, bref, tu ouvres la porte, et après, tu montes, ou tu redescends, bref, il y a des invocations à faire. Et pendant ce chemin-là, tu récites cette invocation. Allahumma ja'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa ja'al fi sam'i noura, wa fi basari noura, et ainsi de suite. D'accord? Et donc là, ce hadith, on va citer, et on va s'arrêter là. Donc, il a dit, إذا خرج إلى الصلاة قال, lorsqu'il sort pour aller à la prière, il dit, بسم الله, آمنت بالله, توكلت على الله, لا حول ولا قوة إلا بالله, اللهم بحق السائلين عليك, وبحق نخرجي, هذا فإن لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعذبني من النار تعيذني من النار وتدخلني الجنة. حديث ضعيف أحد رواته الوزيع ابن نافع العقيلي وهم متفقون على ضعفه وأنه منكر الحديث. وروى في كتاب ابن سني معناه من رواية عطية العفو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطية أيضا ضعيف. Donc de toute façon on a deux chaînes de transmission et carrément ce hadith il est détestable. Ils ont dit hadithun da'if munkar. Munkar, ça veut dire il est pas bon, il est détestable. Bon, ce hadith, dans tous les cas, là c'est une invocation. Je vais traduire rapidement où il dit Bismillah. Donc Bismillah, je traduis pas. Amantu billah, pareil, je vais pas traduire. Amantu billah, ça veut dire j'ai cru. Tawakkaltu 'ala Allah, pareil. La hawla wa la quwwata illa billah, pareil. Allahumma bihaqqin as-sa'ilin 'alayk ou Allah par le droit de ceux qui t'invoquent, ou bihaqqim makhriji hada, et par cette réalité de ma sortie, ou fa illam akhrajhu asharan wala bataran wala riyan wala sum'atan, je suis pas sorti arrogant, orgueilleux, arrogant, orgueilleux, hautain, et ainsi de suite. Donc, kharajtu ibtira, je suis sorti pour l'agrément de ta face, wattiqa et sakhatik, et de me protéger de ton courroux. As'aluka an tu'adhibani, an tu'idani, je te demande de me préserver du feu et de me rentrer au paradis. Voilà. En tous les cas, ce hadith, il est daif. Attention. Ça veut pas dire que ça, c'est un peu, c'est pas bien. Tu peux pas le faire. Tu peux le faire. Mais tu le fais pour toi. C'est pour ça que, en fait, il y a une base de hadith. Après, toi, si t'as envie, par exemple, t'es arrivé avant, t'as fini ta doua avant même d'arriver à la mosquée. Si t'as envie d'invoquer, t'as envie d'invoquer comme tu veux. Tu peux même partir sur cette base-là et faire ce que tu veux. Du moment que t'as fait la base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et tu ajoutes derrière. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le Kitab Adkar. Barakallahu fikoum. A tout de suite pour la suite, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alors bon, comme je disais, il y a le cours, on avait fait cours avant-hier, et là, inchallah, on va bientôt finir. Ah ben, on va finir, ça y est. Je crois qu'on va le finir aujourd'hui, le livre. Donc, ben, inchallah, on va finir sur ce livre-là. On va finir aujourd'hui ce livre. Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. Ça fait plaisir de savoir qu'on a pu et qu'on a duré et qu'on a pu le finir. Alhamdulillah. On fera des doigts pour finir ce livre-là. Alors, mais on le refera sûrement parce que c'est un très très beau livre. Et on le fera par contre avec une traduction beaucoup plus profonde, Inch'Allah. Après, pareil, je vais les... Non, je vais pas laisser une fois. Je vais faire Nawaf l'Islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, on est sur la dernière partie et on va finir. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alors, on était en train de finir justement sur le passage de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Du moins, sur les prophètes. Et on avait vu que le premier prophète, c'était Nuh, alayhi salam. Et après, il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec toute une même et seule mission, c'est l'unicité d'Allah. Donc ça, on l'avait vu, l'a questionné, d'accord? Inch'Allah. Pour les prochaines fois, il y aura des petites questions, Inch'Allah. Et le but, c'est vraiment de vous faire participer pour que vous mettez un peu de... vous y mettez à la tâche, on va dire, dans votre journée. Parce que sinon, après, vous faites rien. Enfin, c'est pas que vous faites rien. Je suis pas en train de dire vous faites rien et de dire que vous n'êtes pas des engagés ou quoi. Mais je sais, on est dans ce rythme-là. On sait très bien que cette vie prend le dessus sur nous. Donc c'est tout. Il faut être juste pragmatique et lucide et honnête envers soi-même déjà. Donc le but, c'est plus pour vous pousser à faire des choses. Voilà, donc وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Donc Allah a dit donc Allah, le cheikh a dit وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. Allah Ftarada, ça vient du mot fard, obligation. Donc, iftarada, il a rendu obligatoire aux gens, ala jamia, ala, voilà, jamia, l'ensemble, al-ibad, les serviteurs, D'accord? Al-kufru bit-tarout, de se désavouer et de renier le tarout. D'accord? Et wal-iman billah, ce sont deux choses. Pourquoi? Mais en fait, là, on a la shahada. Là, dans cette parole, on a la shahada. Al-kufru bit-tarout, c'est la ilaha. Et al-iman billah, c'est illallah. Donc là, on a bien, dans cette première partie, si vous voulez décomposer, al-kufru bit-tarout, al-nafi, la négation. Et là, al-iman billah, al-ithbat, l'affirmation. Donc en fait, on l'a, la ilaha illallah. C'est comme ça, comme je dis, quand on va regarder les livres de science et les preuves sur lesquelles ils se basent, vous allez voir qu'en fait, c'est pas une argumentation qui est dénuée de sens et qui n'est pas bien structurée, au contraire. Elle respecte exactement, même comment le verset il est écrit. Et donc là, on voit que le cheikh, il a repris cette parole, tirée du verset, où Allah, il dit quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. D'adorer Allah et de s'écarter du tarout. Et dans l'autre verset, après ayat al-Kursi dans surat al-Baqarah, Allah il dit quoi? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Celui qui se désavoue, ou qui renie le tarout et qui croit en Allah. Donc ça, ce sont deux conditions sine qua non pour accomplir une des conditions de l'islam. D'accord? Par exemple, celui qui dit, je crois en Allah, mais en même temps, il fait un peu de, il invoque les morts, ou il appelle comme là dernièrement, attention, je suis pas en train de dire que c'est leur cas, ils appellent en demandant de l'aide à la laïcité, des choses comme ça. C'est un peu pareil. On demande autre chose. Donc, on est en train de faire exactement ce qu'Allah nous a demandé de nous éloigner. Et c'est quoi? C'est de se désavouer de ça, justement. Donc, l'adoration ne s'accomplit, du moins l'adoration n'est valide que lorsque ces deux conditions sont présentes, bien sûr, avec l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Et ça, on le verra, tout ce que je vous dis, on le verra dans d'autres livres, dans d'autres épîtres, où ils diront que celui qui dit, qui atteste qu'Allah est le prophète, et qu'Allah est le créateur et le seigneur, ainsi de suite, mais qui refuse de croire au prophète, sa foi, elle est nulle, elle ne sert à rien du tout. Même s'il adore Allah, il fait des prières, hein, et ainsi de suite, sa foi, elle ne sert à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'Allah a conditionné la validité de cette foi par l'attestation et le témoignage que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et le dernier des prophètes. Donc c'est pas pour rien qu'Allah il a rattaché son nom dans tout ce que tu fais. Il y a le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après. Tu fais ta mission, shahadu la ilaha illallah, shahadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Tu fais le tashahoud, dans le tashahoud, tu as Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala, dans tout. Dans le témoignage de foi de base, quand tu rentres en islam, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu wahdahu la sharika la, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Partout. Et, on a même des versets où Allah il dit quoi? Que celui qui n'obéit pas au prophète, n'a pas obéi à Allah. D'accord? Donc, voilà, la question, enfin, le sujet, il est clair. Donc, on va continuer. وَهَذَا هُوَ أَوَّلُ وَاجِبُ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى الْعَبْدُ عَلَى الْعَبْدِ plutôt. الْعَبْدِ, pourquoi? Il y a un harf jar avant. Ou un harf khafd pour en fonction des madahib al-kuffiyin ou al-basriyin. Donc wahada huwa awwal wajibun 'ala al-'abd. C'est la première des obligations pour le serviteur ou pour la créature. Donc si on vient vous poser la question, quelle est la première obligation? Qu'est-ce que vous répondez? Quelle est la première obligation pour l'être humain? La première obligation, c'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure et que j'arrête pas de répéter, c'est l'attestation. Oui, c'est dans cette phrase, mais oui, c'est cette fois. Oui, mais c'est pour voir ce que. Oui, mais plus précisément, ce qu'on vient de dire, oui aussi, c'est tout, ce sont tous des bonnes réponses, sauf que c'est, soyez attentifs en fait, parce que la réponse était ce que je venais de citer depuis tout à l'heure, c'est l'attestation de foi, et surtout l'attestation de foi où il est mention des deux choses qui sont en même temps opposées, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc de mécroire au tarout, et de croire en Allah. Donc c'est la shahadatayn. Donc c'est quelque part, après un peu tout ce que vous avez dit, croire en Allah et ses messagers, ainsi de suite, après la prière, forcément. Mais le premier pilier par lequel l'individu rentre en islam, c'est par shahadatayn. Les deux témoignages. D'accord ? Et ça, c'est la première des obligations. La première des obligations pour chaque individu. Des fois, malheureusement, on voit des gens qui s'égarent dans la da'wa, en train de dire, fais la prière, il faut que tu pries, pourquoi tu pries pas? Alors qu'à la base, c'est pas vraiment ça auquel on doit appeler les gens. On doit appeler les gens à apprendre à connaître leur créateur, parce que c'est ça qui va les pousser à être plus fermes et prendre des réelles décisions dans leur vie. Par contre, celui que tu lui dis juste fais la prière, combien de gens, nous-mêmes on en faisait partie, on a pratiqué, on a arrêté, on a pratiqué, on a arrêté. Mais sinon les prières, tu les fais les 5, 10, tu les mélanges, c'est un peu la pagaille. Pourquoi? Parce qu'en fait on connaît pas réellement notre créateur, et sa valeur et sa grandeur et ainsi de suite, et du coup ça nous pousse pas vraiment à mettre des actions en place. C'est vraiment ça, hein. Parce que c'est pas moi qui le dis ou qui l'a inventé, mais c'est ce qu'on voit dans toute la voie de la prophétie. Tous les prophètes, quand ils ont été envoyés, la seule chose qu'ils appelaient les gens, c'est quoi? Le tawhid. Après ils ajoutaient en fonction des prophètes des législations, comme on avait dit. Comme Moussa, il a une législation, Issa, il a une législation, et ainsi de suite. Par contre, il y a des actes qui sont plus ou moins similaires dans le terme, mais pas dans l'action. Comme par exemple la prière. Tout le monde fait la prière. Les juifs, les chrétiens, ainsi de suite. Hein, sauf qu'elle est différente. D'accord? Donc, finalement, on voit bien que la base pour chaque individu, et sur laquelle on doit normalement nous aussi orienter. Bon, moi même si je fais à la base, des fois j'appelle les gens et je leur parle de la prière, tout ça, pourquoi? Parce que c'est un bon moyen pour après les faire raccrocher sur autre chose. Et généralement, vu que c'est des musulmans à la base, ainsi de suite, voilà. Mais sinon, quand je vois vraiment qu'il y a des sujets qui touchent à la croyance et qui sont pas clairs, d'ailleurs c'est pour ça, c'est ce qu'on fait entre nous avec les cours sur la croyance, parce que c'est la base en fait. Et après, فالكفر بالطاغوت البراءة من كل ما يعبد من دون الله. Si vous voulez plus ou moins la traduction de qu'est-ce que le kufr bit-taghut, vous voulez la traduction de qu'est-ce que le kufr bit-taghut, kufr bit-taghut ou pas? La définition de al-kufr bit-taghut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous dis, si vous voulez je vais faire la traduction du al-kufr bit-taghut, parce que c'est la condition, d'accord? C'est la première des conditions. An-nafi wa al-ithbat, la ilaha, ça veut dire wa man yakfur bit-taghut, celui qui se désavoue du taghut. Et le taghut, c'est fal-kufr bit-taghut al-bara'atu, c'est le désaveu et de renier men Man kulluma, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Al-kufr bit-taghut, c'est de renier tout ce qui est adoré, de renier, de désavouer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est bon, vous avez écouté, vous avez écrit. وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ. Et la foi en Allah, c'est quoi? Donc en fait, finalement, là, vous avez quoi? Là, vous avez l'explication de Shahadatayn. La première, c'est, il vous dit qu'est-ce qui est croire en tout ce qui est adoré en Allah. Et ensuite, il va vous donner, il nous donne la définition de qu'est-ce qui est l'adoration d'Allah. Ma huwa al-imanu billah. Qu'est-ce que la foi en Allah? وَالْإِمَانُ بِاللَّهِ هُوَ الْإِمَانُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَاهِيَّتِهِ وَإِلَاهِيَّتِهِ. Donc, même bien plus que ça, enfin, c'est pas dans le sens que j'ajoute des paroles sur le shir ou quoi, parce que c'est pas lui qui a, ça c'est le shir qui a fait explication, shir Nasser al-Barrak, rahimahullah. En fait, ils ont juste oublié ou pas, après, peut-être qu'ils l'ont fait rentrer dans al-Rububiyya, mais on a Tawhid, al-Asma wa Sifat, l'unicité dans les noms et les attributs. Et là, on voit que la foi en Allah, il a dit, c'est la foi en la seigneurie et en l'adoration. C'est-à-dire, l'unicité dans la seigneurie et l'unicité dans l'adoration. Donc, s'il a pas marqué, ou ils ont pas cité l'unicité dans les noms et les attributs, ça veut dire que peut-être ils l'ont rentré dans la foi ou l'unicité dans la seigneurie. Parce que quand tu dis Allahu Razzaq, ça fait partie de la seigneurie, que c'est lui qui donne subsistance à ses créatures. Ar-Razzaq, c'est aussi son attribut. D'accord? Donc c'est possible qu'ils l'ont fait rentrer dedans. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous faire ajouter ça. De toute façon, encore une fois, c'est des définitions qu'on reverra sous différents angles. Donc voilà. Voilà la foi en Allah. Et voilà le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ensuite, ثم نقل الشيخ تفسير ابن القيم لمعنى الطاغوت فقال. Ah, mashallah. Donc là, il a pris la définition de l'imam Ibn al-Qayyim. L'imam Ibn al-Qayyim, c'est un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, qui est connu. Il a repris la définition de Sheikh Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم أدي وهو الإمام المعروف بالعلم والتحقيق والاجتهاد c'est le savant qui est connu par sa science, par sa correction, le fait qu'il a corrigé beaucoup de doctrines, beaucoup de savants, beaucoup d'écoles et ainsi de suite, والاجتهاد et de l'effort, وصاحب المؤلفات الكثيرة et c'est celui qui a écrit énormément, la majorité des livres qu'on va avoir, franchement, je vais dire, allez, c'est quand même considérable par rapport au patrimoine, on va dire, islamique et scientifique religieux, enfin musulman, il y a à peu près 30-40%, donc c'est énorme, c'est-à-dire tous les ouvrages dans tous les domaines, en fait, il a traité dans tous les domaines, et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ses ennemis et même ses plus virulents ennemis ils lui font des éloges et ainsi de suite, parce que malgré tout, encore une fois, ce qu'il a dégagé, ce qu'il a accompli comme travail, à part Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il n'y en avait pas de comme eux. Donc on reprend. Yaqulu, il dit at-taghut ma تجاوز به العبد. Si vous voulez le marquer, marquez-le. Ou si vous êtes fatigué, c'est pas grave. De toute façon, ça sera enregistré. Vous l'aurez pour la prochaine fois. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. C'est le tarout, c'est le dépassement du serviteur des limites min ma'boud ou mabtbou' ou muta. C'est comme si, en fait, Allah, il nous a fixé des limites. D'accord? Eh ben, At-Tawhid, c'est celui qui a dépassé ces limites-là. Les limites qu'Allah, il a fixées. Donc, sa définition, c'est At-Tawhid, ma tajawaz. At-Tawhid, c'est celui qui a dépassé les limites du serviteur. Qu'il soit adoré, suivi, ou obéi. C'est chaud. Je ne vais pas rentrer dans des conclusions, Alhamdulillah que vous n'avez pas compris, parce qu'on va pas truc, on le verra dans les prochains livres. Matbou'a aussi, suivre. En fait, at-ta'ut, c'est tout ce qui est suivi, tout ce qui est adoré, et tout ce qui est obéi. Obéi, suivi et adoré. On le reverra, ce sujet-là, dans, même lui, le Cheikh Ibn al-Qayyim, il a écrit des livres dans le fiqh, dans l'aqidah, c'est, voilà. Donc, il a dit, ay, anna kulla man ghala fihi l'insan wa tajawaza bihi al-had. C'est tout ce que le serviteur a exagéré. Fihi l'insan wa tajawaza bihi al-had. Et il a dépassé les limites. C'est tout ce que le serviteur, l'être humain, la personne a dépassé, l'insan, wa tajawaza bihi al-had, et qu'il a dépassé les limites qu'Allah lui a fixées. Farafa'ahu an manzilatihi, farafa'ahu an manzilatihi, fi hadha huwa at-tughyan wal-ghulu. Et, فرفعه عن منزلته. Donc le fait qu'il va s'élever à une de ces stations là, c'est-à-dire matbou', suivi, obéi ou adoré, هو الطغيان, c'est ça l'égarement. الطغيان, c'est le dépassement, c'est ça le dépassement des limites et l'exagération. D'accord? On va prendre un exemple de celui qui est suivi. Ancien, parce que si on va commencer à donner des noms aujourd'hui, les gens ils vont se tirer les cheveux. Pharaon, c'est quelqu'un de suivi. Et d'obéi aussi. Et d'adorer. Parce qu'il l'a dit. Ana wa qala Pharaon, ana rabbukum al-a'la. Alors Pharaon a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. D'accord? Donc il a plusieurs fois. Donc il est adoré, il est suivi, et ainsi de suite. Donc on a un exemple. Qui traite des trois cas. Ay anna kull, donc voilà, on a cité, yaqulu min ma'aboud, ou matbou', ou muqa'. Donc, celui qui est adoré, celui qui est suivi, ou celui qui obéit, faman abada ghayrihi, ghayru Allah, faqad tajawaza bihi al-had. Celui qui est adoré autre qu'Allah, eh ben, il a forcément dépassé les limites. Parce que Allah l'a aimé, qui t'a dit c'est quoi? C'est de l'adorer et de rien lui associer. Donc si tu adores pas Allah, tu adores forcément autre chose. Donc tu as dépassé les limites qu'Allah t'a fixées. Mais tu n'es pas un tarout, attention. Parce que ça rentre pas dans les conditions. Donc, فَمَنْ voilà. فَإِنْ الْمَخْلُوقْ عَبْدٌ لَا يَرْتَفِعْ إِلَى مَنْزِلَةَ الْإِلَهِيَّ أَوْ مَتْبُوعَ. Donc c'est ce qu'il vient de dire. Donc, فَإِنْ الْمَخْلُوقْ, l'individu, abdun, c'est un serviteur, la yartafia, il ne monte pas au niveau de la divinité. D'accord? Ou matbou'a, ou suivi. Ay, imam, lahu ittiba'. Donc par contre, il a dit, les imams sont suivis. فمن اتخذ له إماما وتجاوز به الحد بأن جعله بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit, celui qui a pris justement un imam, celui qui a pris un imam et qui l'a fait et qui a dépassé les limites, un imam, attention, un imam ça peut être un chrétien, en fait c'est quelqu'un qui a une certaine autorité et qui est suivi. C'est là, quand on va rentrer en profondeur, on va se dire, mais subhanallah, mais je suis plein de choses alors, moi. Donc j'adore peut-être, sans me rendre compte, autre chose qu'Allah. C'est pour ça qu'on a dans le verset, dans le début, où Allah dit, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir lil nabik. Apprends, ou sache, ou renseigne-toi, ou apprends plutôt, que nul n'est digne d'être adoré qu'Allah. Donc en fait, quand tu vas apprendre qui est Allah, quelles sont les limites qu'il a fixées, et ceux qui les ont dépassés, et que tu vas voir que tu as peut-être suivi, tu vas faire l'action qui va suivre le verset de la suite du verset, c'est quoi? واستغفر لذنبك, et demande pardon pour ton péché. Quand Allah va te faire voir l'égarement dans lequel tu étais, a'oudou billah, astaghfirullah, tu vas te repentir. Tu vois? Parce que, alhamdoulilah, t'es en train d'avancer. Donc, celui qui suit, donc, un imam, bihi, et qui dépasse ses limites, bi'anna ja'alahu, et qui l'a mis. Et pour certains, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, avec certaines fitnas, et certains imams, ainsi de suite. Comment ça s'appelle? Ils ont mis un certain niveau de prophète. Limite, on l'écoute, on l'obéit, aveuglément, quoi. Limite. Eh ben, وأنهم معصوم فهذا المت... et qui pense qu'il est et qu'il pense, et c'est vrai que c'est aussi dans pas mal de sectes aujourd'hui, pour eux leurs savants ou leurs trucs qui sont pas, ils font pas d'erreurs, ou les erreurs c'est pas trop, ça les touche pas trop. فهذا المتبوع, c'est celui-là le suivi, إذا كان راضياً بما يفعله هؤلاء الاتباع فهو الطاغوت. Et donc, si il sait ça, فإن كان, non, إذا كان راضياً, si il agrée بما يفعله, si il agrée que les gens le suivent comme ça bêtement et aveuglément en pensant qu'il a des qualités de trucs ainsi de suite, et qui sait que ces gens les suivent, eh ben c'est un طاغوت. Je ne vais pas citer de nom parce que je vais faire peur à des gens, mais c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et bon, encore une fois, ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais voilà. En tous les cas, on le voit beaucoup au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens, des imams, des prédicateurs qui sont suivis, ainsi de suite. Et malheureusement, il y en a certains, ils aiment bien leur position et leur place. Donc surtout que ces gens, quand on regarde un peu plus en profondeur, c'est pour ça que des fois, quand je viens, pas les dénigrer, mais à peu près les dénoncer. Voilà, c'est à plein de sujets, j'ai pas envie d'empiéter le pas, je préfère qu'on y aille tout doucement pour que vous le compreniez de vous-même. Parce que si je vous fais des déductions et des raccourcis de ma tête et de mes réflexions et de ce que j'ai pu voir, ça fait longtemps que je pense qu'on aurait catalogué et ainsi de suite, donc vaut mieux qu'on y aille à travers les cours, comme ça vous allez voir que c'est une démarche que tout le monde doit suivre à un moment donné, parce que c'est la voie d'Allah. وكذلك من له سلطان على الناس إذا غلا فيه الناس حتى جعلوا طاعته لازمة كطاعة الله عز وجل وكذلك له. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Concentrez-vous, surtout quand on parle de ce sujet-là, puisque c'est la base en fait. Vous savez, cette base, elle est où? Elle doit se trouver où? Dans votre cœur. Et donc forcément, vu que dans notre cœur, il y a autre chose, vous imaginez bien qu'il y en a qui doivent être en train d'être comme si c'est une massue qu'on a sur la tête, les yeux, ils ont un poids, une lourdeur. Donc c'est tout à fait normal, un peu de patience, parce que ceux qui sont à cet endroit-là se sentent pas bien à l'aise. Alors, وَكَدَلِكَ لَهُ est pareil pour celui qui a une autorité. Attention, n'allez pas dans des déductions, je vous ai dit. C'est juste essayer de comprendre. Si vous avez des questions, vous voulez développer des sujets, on en parlera ensemble. Je veux dire, dans les sujets du dogme, pourquoi, comme j'ai dit, la majorité des gens qui prêchent ainsi de suite sont pas authentiques, ils sont pas, parce que ces sujets-là, je les ai jamais entendus parler, alors que c'est la base. C'est anormal qu'on ne parle pas des fondements et qu'on parle de comment faire la prière, comment éduquer les enfants, manger du halal, le jeûne du ramadan, et le mouton, et aller au bled avec le hajj, l'umra, commerce, mariage. Non, mais ta religion, en fait, elle tient sur quoi, en fait? Est-ce que tu sais réellement si elle est... Est-ce que déjà, tu sais si elle tient ta religion debout? Malheureusement, des gens, ils sont vraiment très confiants et très rassurés, alors que quand tu vas quitter ce monde, il n'y a plus de retour. Donc tu vas peut-être partir sur des incertitudes qui vont te coûter très très très cher. Je dirais que même qu'ils vont te détruire et détruire toute ta vie. Parce que finalement, Allah, il le dit en plus. وَمَنْ أَظَّمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Est-ce qu'il y a une personne plus injuste que celle à qui nous enseignons ou nous lui transmettons nos signes et ensuite il se détourne? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus injuste que ces gens-là? Non, en gros, Allah, il veut dire dans le sens, non, il n'y a pas pire que ces gens-là. Parce que le mécréant, à la base, il s'est détourné. Nous, on a appris, on sait, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre truc, mais on se détourne volontairement. Allah, il dit, est-ce que ces gens-là ne sont pas les pires? Ils sont pas plus injustes, ces gens-là? Ils connaissent la vérité, ils se détournent volontairement. Et après, Allah, il dit quoi? Subhanallah, c'est grave. Wa innal mujrimuna muntaqimun. Et je vais me venger des criminels. Donc quelque part, Allah, il les a traités de criminels, ces gens qui se détournent. Et ça s'applique à tout le monde. Donc, faut qu'on fasse très très attention à tout ça. Wa kadhalika man lahu sultan. Et c'est ainsi que, ou c'est pareil pour celui qui a une autorité. Celui qui a une autorité sur les gens. Idha rala fihi. Si il dépasse son statut vis-à-vis des gens, jusqu'à ce qu'il soit obéi lazimatan kata'atillah, qu'une obligation de soumission comme celle d'Allah, wa ta'at al-Rasul, et comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad tajawaz al-insan bihada al-mutahaddahu. Il dit donc, cette personne a dépassé les limites qu'Allah lui a fixées. Donc ça revient un peu dans le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui. Donc comment se fait-il que ces sujets-là, j'en suis sûr qu'il y en a peut-être qui vont te bondir dans leur siège ou dans leur fauteuil ou dans leur lit ou ils vont se retourner je ne sais pas quoi, parce qu'ils vont pas comprendre ça. Ben, pourtant c'est accessible, hein, ces livres-là, vous en avez des tailles, des masses, et dans tout, de long en large et en travers. Mais comment ça se fait-il que vous n'avez jamais entendu parler de ces sujets-là? Comment se fait-il que tous ces prédicateurs là qu'on entend et tous à l'appel, tous qui essaient d'exceller au niveau de la langue française, on dirait c'est des académiciens ou je sais pas quoi, mais religieusement c'est vide. Ils nous ont jamais parlé de ça. Pourquoi? Il faut leur poser des questions. Enfin, ce sera inutile parce que je sais même pas s'ils vont comprendre la question ou est-ce qu'ils vont savoir répondre. Mais faut qu'on comprenne que notre religion est une affaire personnelle. Je parle d'un point de vue où demain on va être tout seul à rendre des comptes. Donc je peux pas moi m'appuyer sur quelqu'un comme ça. Même moi non plus, hein, je vous dis ne vous appuyez pas sur moi. Mais je vous donne les livres, vous pouvez vous-même les relire, vous-même refaire vos recherches et vous-même réétudier auprès d'autres choses et vous allez voir que cette religion est une, justement le dogme est un. Et ceux qui sont pas, comme je vous l'ai dit, vous allez apprendre la vérité et vous allez voir ceux qui la suivent et ceux qui mentent pour une X ou Y raison. Pour un intérêt, pour je sais pas, en tous les cas, ils mentent. Est-ce qu'ils ne sont pas tous en train de nous dire de se soumettre à la laïcité? D'appliquer un peu la démocratie? Et bien sûr, attention, hein, de se soumettre avec vraiment une soumission matérielle. C'est-à-dire que le hijab, ça va être fini. Ça veut dire que c'est pas que on vous dit de suivre ce système tout en restant tout en ayant droit de pratiquer. Non. Il faut vous rester et vous devez vous soumettre. C'est ça en fait. Demain, ta religion, c'est eux qui décideront qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va pas rester. Et vu que tu aimes ce monde et ce système et ce confort, tu vas dire Na'am, sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous avons obéi. Donc c'est malheureux. Encore une fois, pourquoi ces sujets-là, on ne les voit pas? C'est pour ça que je dis, apprenez l'arabe, et ainsi de suite, et n'attendez pas que les gens viennent vous expliquer la religion. D'accord? On a tous, malheureusement, des intérêts. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Tariq Ramadan ou d'autres personnes. Il y en a, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus perfide. Ceux qui sont encore, sur leur chair en train de faire des voyages, en train de faire, ils se foutent de la gueule du monde. Donc, en fait, quand on regarde aussi à quoi ils appellent, voilà, c'est clair. Il y a certains imams, ils ne rentrent pas dans ces sujets-là, ils restent dans l'enseignement, et ils font des umrah, les hajj, ainsi de suite, à la rigueur, voilà, ça va, ils mettent pas leur nez dans n'importe où. Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être pas assumer, ainsi de suite, et que c'est une responsabilité. C'est où tu t'engages, ou tu dégages. c'est un peu, machallah, ça rime. Donc, malheureusement, ces gens-là, la majorité se sont engagés sans mesurer les risques. Et subhanallah, moi je les ai vus, hein, tous ces gens-là, je les ai vus quand ils ont commencé, ils apprenaient encore l'arabe. Ben, ils ont évolué, ils ont fait des voyages, ils sont revenus avec un peu de bagage linguistique, ainsi de suite. Qamis, barbe, rotra, qallallah, ils crient sur les minbar, et ainsi de suite. Et maintenant, ils n'entendent pas, c'est les petits agneaux. Ils les entendent même plus. Ils ont changé, ils sont fashion, ils vont en vacances, ils sont habillés avec des couleurs. Il n'y a pas un problème quelque part. Il s'est passé quelque chose. Comment se fait-il qu'au départ, il était intransigeant au niveau de la sunna et ainsi de suite, et avec tout ce qui s'est passé, ces événements, ça y est, il a changé de madhab, il a changé de tenue, il a changé de discours, il a changé de... Vous comprenez que là, l'islam, il est manipulé par ces gens faibles. En fait, ces gens, ce sont vraiment des gens faibles. Attention, je suis pas en train de dire que je suis plus fort qu'eux, ainsi de suite, mais moi, j'ai choisi une autre stratégie. C'est que je sais très bien qu'il n'y aura pas de place pour nous, parce qu'on a commencé presque au même moment dans les mosquées, dans les centres, ainsi de suite, et on a bien vu le résultat. À un moment donné, il faut être perspicace et intelligent. Si tu crois que, si tu veux percer en fait dans ce monde, au milieu d'eux, et en même temps on va dire prêcher aux musulmans, c'est pas compatible. Allah ne mettra pas de baraka dedans, parce que c'est pas compatible, tout simplement. Vous savez depuis quand c'est pas compatible? C'est pas compatible depuis 1789, le jour où l'État a séparé entre la religion et le système politique et le système le système judiciaire et ainsi de suite. D'accord? C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une loi. C'est des francs-maçons tout simplement. C'est qu'ils ont créé un nouveau système à partir de là. Et donc leur but c'était ça. C'était de légiférer à la place des religions. D'accord? Donc, on voit bien que ça, c'est un sujet très dangereux. On va le revoir. Le but, c'est pas de faire des raccourcis. Hein. Je vous dis juste, si loin que ça. Ah oui. La laïcité, elle date de 1789, la révolution. Mais c'est même pas une révolution du peuple. Hein. C'est une révolution des francs-maçons. Et leur objectif, c'était de séparer entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que dorénavant, ce n'est plus l'Église qui dirige l'État. Donc ça veut dire qu'elle n'a plus d'essence spirituelle. D'accord? Et finalement, on sait, parce que ce sont des francs-maçons. Donc bien sûr, c'est un caractère religieux, mais c'est selon eux comment ils le voient. Donc, du coup, on voit bien que celui qui obéit à quelqu'un qui a une certaine autorité, et que cette autorité, elle doit être appliquée dans l'absolu, tout en sachant qu'elle est contraire à l'obéissance d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien cette personne-là, qui a demandé à être suivie, est un tarout, et ceux qui le suivent, ben, ils suivent le tarout, malheureusement. On va continuer, on va s'arrêter là, je pense, mais il est un peu tard pour tout le monde, on va s'arrêter là, je pense. Bon, il y avait... C'est vrai que des fois j'aimerais aller vite, mais après des fois des explications, et surtout quand on arrive à faire ça. Franchement, je vous le dis, autant que vous êtes tous comme moi, j'ai cette sensibilité par rapport à la croyance, ainsi de suite, parce que c'est la base, d'accord. Je me sens aussi responsable de vous dans ce sujet-là. Alors que si je viens pas parler de ces sujets-là et que un jour ou l'autre forcément nos humains vont se séparer, j'aurais pas accompli mon devoir. Et que demain vous allez me demander des comptes. Comme ça au moins là j'ai des arguments. J'ai même des audios. Non, donc en fait voilà, parce que moi c'est le même sujet que j'essaie de faire en sorte de me concentrer dessus tout au long de ma vie. Et c'est ce que vous devez faire aussi, vous aussi, parce que c'est la chose qui peut basculer d'une minute à l'autre. Si demain vous associez à Allah, c'est mort tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Donc ça veut dire quoi? C'est le sujet le plus important et il doit être devant vos yeux. Devant vos yeux. Ça veut dire que dès que vous voyez un peu de chez le coïncitude, éloignez-vous, repentir, demandez pardon, transmettre aux gens, interdire, recommander, ainsi de suite, s'éloigner de ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est la base. Il y a un verset où Allah dit quoi? Il t'a été révélé au prophète. Il y a ceux qui ont été envoyés avant toi. Si tu viens associer, tous tes actes seront détruits. Et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Donc Allah, il se permet de parler comme ça à ses prophètes, qu'il a élus, qui sait que forcément ils vont accomplir leur mission. Il leur a dit ça. Donc il les a menacés. Donc que dire de nous? Que dire de nous? Donc il y a un autre verset où Allah, il dit, qu'Allah pardonne tout, sauf le shirk. Donc imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Vers la fin des temps, il se peut qu'Allah, il voit du mauvais en nous, et il peut nous changer, juste avant de mourir. Donc ça veut dire que toute ta vie, tu l'as passé à te fatiguer, et finalement, subhanallah, tu vas mal finir. Et il y a aussi un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a interdit à l'enfer de toucher ceux qui n'ont rien associé à Allah. Donc, on a aussi des causes pour éviter l'enfer. C'est-à-dire le fait qu'on concrétise at-tawhid, l'unicité, comme Allah l'a voulu, Allah interdit à l'enfer de te toucher. C'est pas rien. D'accord? Donc, pourquoi ce sujet, on va le revoir sous différentes angles, qu'Allah nous permettra de le voir à travers plusieurs livres, à travers plusieurs titres de livres, à travers plusieurs auteurs, pour que vous puissiez avoir, on va dire, quelques informations sur la question, et que vous ayez quelques références en tête. On va s'arrêter là, donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم désolé on a pris un peu de temps parce que voilà normalement inchallah la prochaine fois on essaiera de commencer directement sur le livre de fiqh puisque ça fait longtemps et comme ça on commencera par le chapitre sur la prière donc par contre pour ce livre là là, faudra vraiment prendre des notes pour la prière, parce qu'il y aura peut-être, on va dire, un petit questionnaire vite fait à la fin. D'accord? Tout en sachant qu'on le reverra, mais en même temps, c'est, voilà, pour qu'on ait des bagages, demain, vous mourrez, alhamdulillah, vous avez un hadith en tête, vous avez une moitié, vous avez une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un verset, et si on arrive à sortir au moins dans cette dunya avec une chose comme ça, alhamdulillah, rabbil alamin. Barakallahu fikum, donc, je vous dis à jeudi, inshallah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته